Mais pourquoi diable, au deuxième cercle de l'enfer de Dante, rencontre-t-on des amoureux? De quels crimes sont-ils coupables? Leur présence soulève une question. Sommes-nous responsables de l'amour que l'on ressent et que l'on reçoit? Ou bien l'amoureux est-il victime d'une passion qui le dépasse et le dévore? Suite aujourd'hui de notre voyage dans la Divine Comédie de Dante, attention, nous franchissons ensemble les portes de l'enfer. Avez-vous lu la Divine Comédie? Excusez-moi? La Divine Comédie, la descente aux enfers de Dante Alighieri. On pourrait peut-être faire une pause? On n'a pas besoin de pause. Je ne fais que demander si vous avez déjà lu la Divine Comédie. My Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Toutes les filles sages vont en enfer. On verra d'ici la fin de l'émission si Billie Eilish a raison. Bonjour à vous, Daniel Robert. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, à distance, depuis Cadenet, c'est ça, dans le sud de la France? C'est ça. Vous êtes écrivain, critique, traductrice littéraire, membre de la Société Dantesque de France, et vous avez proposé l'an dernier une nouvelle traduction de la Divine Comédie de Dante, qui va nous accompagner ce matin. Avant tout, resituons les choses. Hier, nous avions laissé Dante et son guide Virgile dans les limbes. Oui. Comment sont-ils entrés, on va entrer avec eux, dans ce deuxième cercle de l'enfer? Alors, tout d'abord, Virgile a présenté à Dante quatre poètes de l'Antiquité qui sont les grands représentants de la parole poétique, c'est-à-dire Homère, Horace, Ovide et Lucain. Et il dit à Dante que lui est le cinquième, lui-même, Virgile, à représenter la parole poétique, et ces cinq poètes admettent Dante comme le sixième, ce qui lui fait grand honneur. Là-dessus, il s'achemine vers un très beau château entouré de sept murs et de sept portes, et c'est un paysage assez riant dans les limbes. Mmh. Mais aussitôt, ils vont découvrir toutes sortes de personnages qui sont là non pas parce qu'ils ont péché, comme on le sait, comme on l'a dit hier, mais parce qu'ils n'ont pas connu le baptême. Ils sont tous nés avant le Christ et donc ils n'ont pas le droit d'entrer au paradis. Ils sont un peu en attente dans ces limbes. Et à partir de là, Dante et Virgile donc laissent tous ces personnages à leur sort et parviennent dans le deuxième cercle, qui est le cercle du premier péché qui s'expie et qui est la luxure ou la passion amoureuse, avec des degrés très différents. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin, ces différents degrés de la passion amoureuse. Et la question qui se pose est de savoir si nous sommes responsables de l'amour que nous ressentons et que nous portons à autrui. Vous avez sans doute votre idée sur la question, Daniel Robert. Avant qu'on entende ce premier texte, une question quand même, parce que chaque jour, un invité différent vient nous parler de l'enfer de Dante. Selon vous, comment ce voyage est-il entrepris? Pourquoi le narrateur de la Divine Comédie s'aventure vers l'enfer? Il s'aventure vers une expérience intérieure. On a vu qu'au tout début du chant 1, il est perdu dans une forêt obscure, qui est une forêt intérieure, bien sûr, la forêt de l'âme. Il est en plein désarroi. Il ne dit pas pourquoi, mais ce sont les circonstances de sa vie qui font qu'il a besoin d'échapper à l'angoisse. Et à ce moment-là, il va entamer un voyage initiatique, une longue quête de la route droite. Bon, ce qu'il dit au début, c'est qu'il avait la route droite était gauchie. Il l'avait déviée de cette route. Et il en prend conscience et il a besoin de retrouver la vérité, la route droite. Et il nous invite à faire de même. C'est un voyage dans lequel il invite tous les lecteurs à faire, chacun doit faire sa propre expérience. Et bien, pas forcément la même que celle de Dante. Suivons Dante dans ce voyage initiatique. Première étape. Du premier cercle, ainsi je descendis dans le deuxième, de diamètre moins grand et de douleur si vive qu'il pousse au cri. Minos y siège et grogne horriblement. Examine les fautes dès l'entrée, juge et châtie par ses enroulements. J'affirme que lorsque l'âme mal née vient devant lui, elle ne cache rien. Et il voit, ce connaisseur des péchés, quel est le lieu de l'enfer qui convient. De sa queue, il s'entoure autant de fois qu'il veut lui faire descendre de gradin. Devant lui, toujours beaucoup se tiennent là et passent à tour de rôle en jugement, parlent et entendent, puis sont jetés bas. Première rencontre dans ce deuxième cercle de l'enfer, Minos. Minos, qui est ce juge des enfers, dans la mythologie gréco-latine, il est plutôt sage, pondéré, et ici, il est transformé par Dante dans une sorte de démon hargneux et grotesque, muni d'une immense queue qui l'enroule autour de son buste en fonction de la gravité des fautes commises. Pourquoi cette transposition, Daniel Robert ? Ah, c'est très très intéressant ce qu'a fait Dante là, comme recréation. Le Minos, oui, était un roi de Crète très respecté et il a été nommé juge des enfers. Et il était particulièrement préposé à défendre les damnés qui avaient été injustement accusés. Donc il avait un rôle plutôt bienveillant. Ici, Dante en fait un tout autre personnage. Mais ce n'est pas par hasard. Dante, qui connaît très bien la mythologie, sait que Minos est le fils de Zeus et d'Europe. C'est-à-dire Zeus, il a donc une ascendance divine et humaine avec Europe, la princesse Europe, mais Zeus s'est dissimulé sous les traits d'un taureau pour séduire Europe. Il y a déjà cette première anomalie un peu étrange. De plus, dans la descendance de Minos, il y a le Minotaure. Donc, c'est involontaire, ce n'est pas son fils, mais c'est le résultat des amours coupables de son épouse Pasiphaé avec un taureau également, un taureau blanc que Poséidon avait offert à Minos pour qu'il le lui offre en sacrifice. Et Minos l'avait trouvé tellement beau, ce taureau, qu'il l'avait gardé et il avait sacrifié un autre taureau à la place, ce qui a déchaîné la colère de Poséidon, qui a donné à ce taureau une force et une cruauté énormes, et ce qui a provoqué aussi chez Pasiphaé ce désir coupable d'accouplement avec un taureau. Donc il y a ce qui a donné le Minotaure, donc. C'est le Minotaure, voilà, que l'on retrouve un peu plus loin, au champ 12 de l'enfer, que Dante appelle l'infamie de la Crète. Bon, et donc, il y a cette dualité, déjà en Minos, d'une part divine, une part humaine, une part bestiale, à cause du taureau qui a servi à Zeus pour emmener Europe. Et c'est ce que Gustave Doré représente de façon magnifique en présentant ce roi qui a une couronne, il est roi, il a un buste d'homme et le reste de son corps qui est une queue animale. Et c'est avec cette queue, d'ailleurs, qu'il désigne le lieu où les damnés vont. Il ne le dit pas. Hein, ce n'est pas une parole humaine, c'est sa queue qui le dit. Donc, il y a chez Dante le désir de montrer Minos comme un monstre, une mi-bête, mi-homme. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on retrouvera sous une forme beaucoup plus admirative cette dualité à la fin du purgatoire, lorsque Dante aura une vision prophétique de tous les sages et tous les élus et un char sur lequel se trouvera Béatrice. Et ce char est conduit par un griffon qui a un corps de lion et une tête et des ailes d'aigle. Et ce griffon, c'est la figure du Christ qui est mi-homme, mi-dieu. Donc, vous voyez, il y a toujours chez Dante deux aspects contradictoires. Il y a le côté négatif et le côté positif. Mais c'est aussi parce que Dante, à mesure que le narrateur descend dans les cercles de l'enfer, questionne de plus en plus les degrés d'humanité que compose chaque individu qu'il rencontre. En clair, dans l'enfer de Dante et dans toute la Divine Comédie, on rencontre à la fois des personnages historiques et des personnages mythologiques. Et chaque fois, c'est l'occasion de demander ce qu'il reste d'humain en eux. Et on a l'impression que plus on avance dans les cercles, et donc plus les crimes commis sont graves et les sévices subis sont importants, moins il reste d'humanité en eux. Exactement. Exactement. Mais Minos est déjà, donne déjà la note, si on peut dire, le « là ». Il indique déjà qu'il y a toute cette dualité entre la bête et l'homme, ce qu'il y a d'humain et d'inhumain dans tout être. Et il le dit, mais de façon très elliptique, parce que si on ne connaît pas toute l'histoire de Minos, lorsqu'on lit les vers, là, on ne sait pas vraiment toutes les strates de compréhension du texte qui sont nécessaires. Hein. Oui, mais alors ça c'est une vraie question, Daniel Robert, parce que si on s'adresse à quelqu'un qui n'a jamais lu la Divine Comédie de Dante et qui a envie de la lire en vous entendant, comment l'encourager à le faire sans être dissuadé par toutes ces références que nous n'avons pas? Moi je lis la Divine Comédie de Dante, il y a beaucoup de personnes dont il parle que je ne connais pas. En quoi est-ce que ce n'est pas un obstacle à la lecture? C'est un obstacle si on ne donne au lecteur aucune clé. C'est pourquoi moi je suis tout à fait favorable, et ce n'est pas une opinion partagée par tous les traducteurs, mais la mienne, mon opinion, c'est que le lecteur ne peut pas lire de but en blanc le texte sans aucune information. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre des notes, non pas en bas de page, parce que ça gêne la lecture, mais en fin de volume. Et lorsque le lecteur est arrêté par quelque chose qu'il ne comprend pas, il peut se référer à la note correspondante. Mm-hmm. Et s'il n'en a pas besoin, s'il a des connaissances suffisantes, eh bien, sa lecture est très facile. D'autant que votre parti pris en tant que traductrice est de rester le plus proche possible de la forme originale en italien. C'est la valeur ajoutée de votre traduction. Hein. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, c'est la forme dont a parlé Pierre Bourrez hier, cette fameuse terza rima, qui est à l'intérieur de la strophe de trois vers. Et c'est toute cette construction extrêmement rigoureuse de Dante qui est spécifique à la Divine Comédie. Hein, la terza rima, il l'a créée pour la Divine Comédie, qui lui permet de créer ce mouvement, cette pulsation de l'enfer jusqu'au paradis qui entraîne le lecteur par la magie des rimes qui ne sont pas des rimes monotones et pénibles à écouter ou un petit peu scolaires. Au contraire, ce sont des rimes qui sont entrelacées trois par trois et qui impulsent constamment une nouveauté. Voilà. Il y a toujours un jeu entre le même et l'autre. Il y a le côté, évidemment, identique de la mémorisation par la rime, et il y a aussi l'introduction au milieu de chaque strophe d'un nouveau son qui va entraîner deux autres sons dans la strophe suivante. Et c'est ça que j'ai voulu respecter, m'appuyant sur le fait qu'il n'y avait aucune raison pour que le français, qui est une langue sœur de l'italien, ne puisse rendre, avec ses moyens propres, la musique du texte italien. Bien sûr, il y a beaucoup de différences. L'accentuation n'est pas la même d'une langue à l'autre. Mais le propre de la traduction, c'est d'utiliser le phrasé, le rythme, les sonorités de la langue originale et de les transposer dans sa propre langue avec les spécificités de cette langue. Je pense que la traduction a besoin de respect, certes, mais aussi d'irrespect, parce que le respect paralyse. Donc, si on veut être proche de lui, il faut aussi s'éloigner, parce que de toute façon, on ne recrée jamais la même chose. C'est une utopie assez même ridicule de croire qu'on va reproduire Dante. Vous avez peut-être reconnu la voix de Jacqueline Risset, qui avait traduit la Divine Comédie de Dante, justement, Daniel Robert. Votre traduction diffère, vous venez de la présenter. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle lorsqu'elle dit que le trop de respect paralyse la traduction? C'est une question fascinante, hein, quand on est face à un texte tel que la Divine Comédie de Dante. Bien sûr, mais il faut savoir ce qu'on entend par trop de respect. Respecter la voix de l'auteur dans sa musicalité, dans son phrasé, ce n'est pas faire preuve de trop de respect. Moi, j'appelle trop de respect le fait de vouloir coller au texte d'une manière tellement littérale qu'on en arrive à des italianismes, par exemple, à être trop dans la langue d'origine et oublier et trahir la sienne propre. C'est ce que fait Jacqueline Risset, trop de respect. Est-ce que c'est ce que fait Jacqueline Risset, selon vous? Enfin, la traduction de Jacqueline Risset. Non, pas toujours. Quelquefois, c'est vrai. Mais nous aurions pu avoir beaucoup de discussions très intéressantes toutes les deux, parce que bon, j'ai énormément d'estime pour Jacqueline et nous étions amies. Nous n'étions pas d'accord sur cette question de la traduction, mais j'aurais bien aimé qu'on puisse en parler, parce que je n'avais pas encore traduit la Divine Comédie lorsqu'elle est décédée, malheureusement. Mmh. J'aurais beaucoup aimé pouvoir discuter avec elle. Et ça aurait été vif, mais très amical. Toujours très amical et très respectueux, parce que sa traduction est magnifique. Alors commencent les sons douloureux à se faire entendre. Je suis parvenue là où une immense plainte m'émeut. Venue au lieu d'où la lumière est exclue, qui mugit comme la mer en tempête si par des vents contraires elle est battue. Le souffle infernal qui jamais ne s'arrête, avec violence emporte les esprits, tournoyant et frappant, il les maltraite. Lorsqu'ils arrivent devant l'éboulis, ce sont des cris, plaintes, lamentations. Le pouvoir divin est blasphémé ici. Je compris qu'à de telles persécutions sont condamnés là les concupiscents qui soumettent à leurs instincts la raison. Et tout comme s'envolent, par gros temps, les étourneaux en rang large et serré, ainsi balaient de ci, de là, le vent, en bas, en haut, tous ces esprits mauvais. Aucun espoir de se réconforter, ni d'un répit, ni de peine atténuée. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous voyageons en enfer cette semaine, l'enfer de Dante, en compagnie aujourd'hui de Daniel Robert. Voici un avant-goût de cet enfer. Nous avons dit, Daniel Robert, que voilà, certains personnages dont parlait Dante n'étaient pas forcément connus du lecteur aujourd'hui. Il faut quand même dire et insister sur le fait que la grande partie de ce texte et de ce poème est composée d'images, d'analogies, d'une langue tellement belle et tellement frappante que même sans ces références, nous sommes happés par ce texte. L'extrait que je viens de lire, donc toujours un extrait du chant 5, le montre bien, nous sommes au milieu de sons douloureux. On entend des plaintes et on entend ce vent contraire qui fait se balancer des corps qui eux-mêmes ont commis un péché qu'on va énoncer dans un instant. Hein. Mais il faut imaginer cette image d'un souffle infernal qui jamais ne s'arrête et des corps qui sont balancés de ci, de là et qui tournoient pour l'éternité. Exactement. Ce souffle infernal vient du fond de la terre où se trouve Lucifer et qui agite ses ailes monumentales et qui fait tournoyer ce vent jusqu'au premier cercle, enfin au deuxième cercle. Donc c'est un souffle qui va en s'affaiblissant au fur et à mesure qu'il monte, mais qui tout de même entraîne les damnés. Et ce souffle, dans ce cercle-là, a un rôle très important, c'est que ces damnés, qui sont des concupiscents, Dante les appelle des « peccatori carnali », ceux qui ont commis le péché de chair, ils se sont laissés aller à oublier la raison au profit de leurs appétits, de leurs penchants, de leurs instincts. Ils se sont laissés aller et ils sont entraînés. Comme ils ont été entraînés par leurs instincts, ils sont là, entraînés par le vent, et ils sont ballottés de ci, de là. Mais ce texte est assez incroyable parce que l'image du souffle propulsé par Satan qui se situe en bas de l'enfer, parce qu'il y a toute une cartographie très précise hein, de l'enfer selon Dante, attire l'attention d'abord sur le corps. Vous dites finalement ce sont des gens qui ont été soumis à leurs instincts et qui n'ont pas su faire en sorte que la raison l'emporte puisqu'ils se sont adonnés au péché de la luxure. Et c'est ce corps-là que l'on voit en premier, mais un corps quasiment dématérialisé. On le disait hier avec Pierre Bourette, ces corps sont devenus quasiment des ombres. Donc il faut imaginer des ombres qui sont ballottées dans un souffle infernal. C'est une image qu'on a du mal à se représenter. Exactement, c'est tout à fait fantastique. Oui, il y a aussi un endroit où un damné est allongé en travers de la route et les autres damnés lui marchent dessus. Oui. Et pourtant, il n'a pas de corps. Mais Dante joue constamment avec cette opposition entre les corps réels, humains, et puis des corps qui n'en sont plus, puisque ce sont devenus des ombres. Et là, c'est un peu le cas de ces personnages, de ces damnés-là, qui sont entraînés et qui sont dématérialisés. Ils ne retrouveront un corps que au jugement dernier. C'est ça. Et c'est toute la question que soulève le thème de l'amour qui est présent dans ce chant 5. On va y venir hein, justement, parce que pourquoi est-ce que les amoureux se trouvent dans ce cercle-là ? L'amour n'est-elle pas justement cette passion qui va déposséder l'individu de sa raison et lui faire s'adonner entièrement à son cœur et à son corps ? Quand on vous a proposé de participer à cette émission, vous avez tout de suite proposé, vous vouliez parler du chant 5, du chant de l'amour, et tous les invités d'ailleurs veulent parler de ce chant-là. Pourquoi est-il si important et si beau ? Oh, c'est, je crois, le plus beau de l'enfer pour moi. C'est celui par lequel Dante est arrivé vraiment à un sommet extraordinaire de poésie sublime. Et puis il y a bien sûr ce couple de Paolo et Francesca qui est extrêmement attachant et qui ne peut qu'émouvoir aux larmes, et même Dante est tellement ému qu'il s'en évanouit à la fin. C'est ça. Alors peut-être avant d'entendre le récit de Francesca, présentez-nous qui sont Paolo et Francesca. Oui, alors d'abord il y a les vrais luxurieux, ce sont d'autres personnages que Dante énumère hein, avant de voir Paolo et Francesca. Il y a Sémiramis, Cléopâtre, qui elles ont été volontairement des femmes luxurieuses. Et puis il y a des personnages beaucoup plus innocents, entre guillemets, comme Tristan, par exemple. De Tristan et Iseut. L'histoire des chevaliers de la table ronde, Tristan et Iseut. Tristan et Iseut ont bu malencontreusement un philtre d'amour qui n'était pas destiné à Tristan. Mais au roi. Donc, Tristan et Iseut sont tombés éperdument amoureux, un peu fatalement contre leur décision. Et pourtant, Tristan se trouve en enfer. Et ça va être le cas aussi de Paolo et Francesca. Alors, ce couple a réellement existé. Dans les années qui ont un peu précédé l'année de où se situe l'action de la Divine Comédie, c'est-à-dire 1300, ça s'est passé vers les années 1285-88. C'était un seigneur de Ravenne qui s'appelait Gianciotto Malatesta, qui a épousé la jeune Francesca da Rimini. Mariage arrangé pour des raisons politiques, pour que les cités cessent de se faire la guerre. Et Francesca est tombée amoureuse du frère de son mari. Bon. Celui-ci les a surpris et les a assassinés tous les deux. Voilà. Ils se trouvent donc en enfer. Alors, pourquoi sont-ils en enfer ? La première chose, c'est parce que ils n'ont pas eu le temps de se repentir de leur faute, puisqu'ils ont été tués de façon violente et inattendue. Et c'est ça la condition des damnés pour Dante. En enfer, il n'y a que des gens qui ont péché, quelquefois pas très gravement, mais ils ne se sont pas repentis, soit volontairement, soit involontairement. S'ils avaient eu le temps de demander pardon, ils ne seraient peut-être pas en enfer. Pas du tout, ils seraient en purgatoire. Ok. Oui. C'est finalement assez, la loi est assez souple alors. C'est parce que l'adultère n'est commis que n'est puni que s'il n'est pas suivi de repentance. Absolument, absolument. Et si il y a repentir même à l'extrême limite aux portes de la mort à la dernière seconde, si on dit pardon, je me repens, Dieu pardonne. Mais alors ils sont doublement victimes là parce qu'ils ont été tués avant même d'avoir pu se repentir. Donc pourquoi sont-ils en enfer ? Ils ne sont pas complètement responsables de leur absence de repentance. Voilà, ils ne sont pas complètement responsables, mais ils sont quand même responsables en vertu du libre arbitre. La grande idée que Dante exprime tout au long de la Commedia, c'est le libre arbitre qu'il emprunte d'ailleurs à saint Thomas d'Aquin et saint Auguste. L'homme a toujours la possibilité, il a toujours la possibilité de faire d'abord triompher la raison plutôt que ses instincts. Alors, et s'il n'utilise pas cette possibilité, eh bien, il est puni. Je vous propose que j'entends qu'on vous appelle, Daniel Robert. Je vous propose qu'on entende le texte, le récit de Francesca. Et c'est donc la fin du chant 5 qui se termine avec cet évanouissement, cette presque mort de Dante. Écoutez-le, on se retrouve ensuite. Amour, qui très vite un noble cœur surprend, prie celui-ci pour la belle apparence qu'on m'a ôtée, se met encore tourment. Amour, qui d'aimer à son tour ne s'offense, me prie pour sa beauté tellement fort que, comme tu le vois, toujours j'y pense. Amour nous a conduits à même mort. Caïn attend celui qui prit nos vies. Voici les mots qui nous parvinrent alors. Lorsque j'entendis ces âmes meurtries, je baissai la tête et je l'atteins si bas que le poète dit « Tu es pensif ?» Quand je lui répondis, ce fut « Hélas, que de désirs, que de douces pensées les ont conduits au douloureux trépas !» Puis, me tournant vers eux, je commençai à leur parler. « Francesca, tes martyrs de tristesse et pitié me font pleurer. Mais dis-moi, à l'époque des doux soupirs, à quoi et comment vous permit, amour, de donner corps à ces confus désirs ? Et elle, pas de plus grande douleur que de se souvenir du temps heureux dans le malheur. Il le sait, ton docteur. Mais si, de notre amour, tu es désireux que je te dise la germination, c'est avec mots et pleurs que je le peux. Nous lisions un jour par récréation comment Lancelot fut d'amour saisi. Nous étions seuls et sans aucun soupçon. Plusieurs fois, cette lecture nous fit lever les yeux et fit pâlir nos traits. Mais il n'y eut qu'un point qui nous vainquit. Lorsque nous lûmes que le sourire aimé était baisé par un si noble amant, lui, dont je ne serai plus séparé, me baisa sur la bouche, tout tremblant. Galeot fut le livre et l'écrivit. Ce jour-là, nous ne l'eûmes pas plus avant. Durant ce récit de l'un des esprits, l'autre pleurait. Si bien que de pitié, comme si je mourais, je défaillis. Et comme tombe un corps mort, je tombais. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Vous venez d'assister à ce baiser d'année pour un baiser. Bah, c'est le cas de Francesca et Paolo. Ce qu'il y a de magnifique, Daniel Robert, c'est que ce baiser vient d'une lecture. Et qu'au fond, il y a une mise en abîme ici. Le lecteur lit un texte dans lequel il est raconté qu'en lisant un texte, deux personnes ont envie de s'embrasser. Et devant tant d'émotions, puisqu'ils ont été punis pour ce baiser, le narrateur lui-même tombe comme un corps mort. Si bien que le lecteur ne sait plus très bien comment il se sent à la fin de cette lecture. Tout à fait, tout à fait. Oui, ça c'est un trait vraiment de génie de la part de Dante. Et c'est ce qui fonde la tragédie de Paolo et Francesca et en même temps leur culpabilité. Leur culpabilité vient du fait qu'ils se sont trop laissés aller à la lecture des romans de chevalerie. Hein, donc Galeot, là, c'est le personnage qui a favorisé les rencontres illicites de Lancelot et Guenièvre. Mm-hmm. C'est un personnage assez trouble parce qu'il était absolument admirateur, adorateur de Lancelot. Il aime Lancelot. On a pu penser qu'il y avait même entre eux des liens homosexuels. Et il l'aime au point de se sacrifier pour favoriser ses amours avec Guenièvre. Et il est donc à l'intérieur de l'histoire de Lancelot et Guenièvre. Et en même temps, il a écrit le livre parce que il a été l'agent de la poursuite de l'aventure. Et c'est vraiment extraordinaire que Dante ait repris cette figure pour le mettre dans la bouche de Francesca l'explication de son malheur. Et le fait qu'ils sont maintenant, elle dit, lui dont je ne serai plus séparée. Ils sont séparés, on pourrait penser que c'est une condition plus douce, puisque les autres damnés sont tous séparés les uns des autres. Au contraire, c'est encore plus cruel, parce qu'ils ont péché par la chair, ils ont été attirés l'un vers l'autre de façon érotique, et maintenant ils n'ont plus de corps, et pour toute l'éternité, ils sont ensemble sans pouvoir jamais se toucher, ni aller au bout de leurs désirs. Et lorsqu'ils seront jugés, à la fin du jugement dernier, et qu'ils retrouveront leur corps, comme tous les autres humains, ils seront encore plus dans le malheur parce que leur peine sera décuplée. Ils auront toujours l'interdiction de se rejoindre. Mmh. Donc le supplice, c'est celui de brûler de désir pour un corps qui n'est plus, et soi-même ne plus avoir de corps désir. On a le désir sans le corps, c'est ça? Voilà, exactement. Exactement. Parce que ce baiser, alors il y a plusieurs choses, il y a énormément de choses à dire sur ce baiser. Quand on lit les trois strophes, on en a entendu plus, mais on voit qu'à chaque fois il est question de cette lecture. Donc la lecture semble responsable de ce désir, hein, puisque nous lisions un jour par récréation, dit Francesca, comment Lancelot fut d'amour saisi. Plusieurs fois cette lecture nous fit lever les yeux. Lorsque nous lûmes que le sourire aimé était baisé par un si noble amant, il me baisa sur la bouche tout tremblant. Donc première chose, c'est que la lecture semble responsable du désir, ce qui est pas la moindre des choses qu'il nous faudra commenter. Oui. La deuxième chose, juste pour qu'on ait une image en tête, ce baiser-là dévorant, on peut penser par exemple à la sculpture de Rodin, qui s'appelle Le Baiser, où l'on voit ces deux corps qui sortent du marbre et qui sont figés pour l'éternité dans un désir brûlant, mais dont ils ne peuvent rien faire puisqu'ils sont devenus marbre. Exactement, exactement. Et c'est tout à fait homothétique de l'histoire de Paolo et Francesca. Oui. Alors oui, cette lecture, en fait, par là, Dante règle un peu ses comptes avec la littérature courtoise à laquelle il s'est frotté, qu'il a beaucoup aimé, qu'il a pratiqué. Mais sur le plan de la conception de l'amour, il veut se séparer de la conception courtoise, et notamment de celle de Cavalcanti. Et il veut, bien sûr, lui opposer à Francesca une autre figure de femme qui est Béatrice. Alors, Francesca va représenter la faiblesse humaine qui se laisse aller à ses instincts et à ses penchants, et qui est donc source de mort, qui aboutit au châtiment et à la mort. Il oppose à cette figure-là, que pourtant il aime beaucoup, mm-hmm. il oppose Béatrice, qui elle est la salvatrice. Alors présentez-nous Béatrice. Pardon. Dites-nous qui est Béatrice. Alors Béatrice, c'est la figure essentielle que Dante construit à partir d'une figure réelle. C'est toujours comme ça que ça se passe. Béatrice a réellement existé. Il l'a rencontrée pour la première fois à 9 ans. Ils avaient tous les deux 9 ans. C'était des enfants. Il l'a rencontrée une autre fois à Florence à 18 ans. Ensuite, elle s'est mariée. Il s'est marié de son côté. Il a eu 3 ou 4 enfants. Elle est morte en couche, je crois, à 24 ans. Et donc, alors, tout le monde, enfin, tous les commentateurs de Dante pensent, comme il le dit lui-même dans la Vita Nova, il parle de cette dame, cette noble dame qui est pour lui toute sa vie. Mm. Et pourtant, il n'y a rien eu dans le réel, il n'y a pas eu de contact entre eux, il n'y a pas eu d'histoire d'amour. Ni érotique, ni même spirituel, puisqu'ils se sont juste dit bonjour. Il n'y a pas eu de contact réel. Mais il fait, à partir de cette personne réelle, un mythe, ce qu'on appelle un topos. Mm-hmm. Comme tous les poètes le font, on aura l'Aurélia de Nerval, on a l'Elsa d'Aragon, tous les. Et puis, il y a énormément, pour Pétrarque, pour Léopold, il y a toujours une femme, une figure féminine, qui est une allégorie, en ouais. fait. En fait, Béatrice n'est pas, pour moi, n'est pas une vraie femme. Mm. C'est la métaphore. Personnellement, je pense que c'est la métaphore de la poésie. C'est la parole poétique, et c'est elle qui est salvatrice, c'est elle qui permet à l'être humain d'accéder au vrai, à l'amour avec un A majuscule qui meut le soleil et les étoiles. Rappelons que c'est Béatrice qui se substituera à Virgile hein, pour son entrée au paradis, qui va le conduire dans les derniers pas, enfin avant de passer le relais à Saint-Bernard, hein, mais c'est Béatrice va devenir la guide ultime du narrateur de la Divine Comédie. Oui. Tout à fait, c'est elle qui va le conduire à partir du paradis terrestre, où elle le revoit, elle va le conduire dans tous les cercles du paradis. Et elle est déjà intervenue au champ 2 de l'enfer, puisqu'elle a délégué Lucie pour dire à Virgile qu'il fallait qu'il se soucie du sort de Dante et qu'il le sorte de cette forêt obscure pour lui faire tout le voyage. Mm. Donc, elle est présente tout au long de l'ouvrage, sans apparaître, sinon, au champ 30 du paradis terrestre. Alors, la relation amoureuse entre Dante et Béatrice a fait couler énormément d'encre. Il y a énormément de lectures, d'interprétations de cet amour. Vous disiez pour vous, Béatrice n'est pas une femme réelle, c'est sans doute la poésie. Voici une autre interprétation, écoutez. Il est bien évident que dans cette attitude de dévotion par rapport à Béatrice, on trouverait aujourd'hui facilement le rapport qu'un fils pourrait avoir vis-à-vis d'une image maternelle. Et précisément, c'est là toute l'audace de Dante, bien au-delà de ce que la psychanalyse, à la fin du XIXe siècle, va commencer à découvrir. Un homme, ça n'aime jamais que sa mère. C'est comme ça. C'était la voix de Philippe Solers en 1978. Pour lui, Béatrice, c'est l'image maternelle. Et il en arrive à cette conclusion, un homme, ça n'aime jamais que sa mère. Est-ce que vous souscrivez à cette lecture, Daniel Robert ? Je n'ai pas entendu toutes les paroles parce qu'il y avait un petit problème technique, mais je connais quand même les... Voilà, la thèse, c'est ça, c'est de dire que c'est l'image maternelle, hein, Béatrice. L'image maternelle. C'est vrai qu'elle a un rôle maternel que lui donne Dante. Ouais. Hein, il se présente toujours face à elle comme un petit enfant qui a peur et qui baisse la tête, qui se fait un petit peu tancer et auprès de laquelle il cherche protection, c'est vrai. Mmh. Mais je ne crois pas personnellement qu'elle ne soit que cette image-là. Pour Dante, je pense que c'est au-delà de l'amour maternel, d'autant plus que l'amour maternel, Dante ne l'a pas trop connu, sa mère est morte assez tôt. Mais je crois, moi, que c'est la poésie. Certains disent que c'est la philosophie. Ouais. Il y a aussi cette interprétation. Alors, il faut poser la question qui justifie l'angle de cette émission. Pourquoi ces amoureux sont-ils en enfer? Vous avez dit, c'est parce qu'en tout cas pour Paolo et Francesca, ils n'ont pas eu le temps de se repentir. Mais la question se pose de savoir si l'amour en lui-même est un crime, un péché, et quelque chose qui justifie que l'on aille en enfer. Au fond, la question, et c'est une question pour le coup proprement philosophique, est celle de savoir si nous sommes responsables du sentiment, de la passion que nous ressentons. Il me semble que vous avez choisi votre camp, si j'ose dire, Daniel Robert, car vous avez choisi de donner comme sous-titre à ce chant 5 les victimes. Deuxième cercle, écrivez-vous, les luxurieux et les victimes de la passion amoureuse, Paolo et Francesca. Ça veut dire que les amoureux sont forcément des victimes ? Si ils ont vécu dans des amours illicites, oui, parce qu'ils sont punis. Si l'amour mène au châtiment et à la mort, comme c'est leur cas, ils deviennent des victimes. C'est toute la conception courtoise de l'amour, ouais. que Dante essaie de reproduire pour un peu la stigmatiser. C'est dans les fameuses trois strophes là qui ont été lues au départ, qui recommencent oui. toutes les trois par amour, amour, amour. Il y a cette certitude que l'amour est une puissance telle que ça peut être une puissance dévastatrice. Mmh. Elle peut conduire à la mort. Il y a un lien entre amour et mort, tellement sa force est grande. Mais c'est ambivalent. Il dit aussi amour qui très vite un noble cœur surprend. Cavalcante, il dira, ne peut l'imaginer qui ne l'éprouve. C'est la noblesse du cœur qui fait qu'on éprouve l'amour. Donc il n'y a pas de réprobation à l'égard de l'amour. Mais il se trouve que si c'est un amour qui abaisse l'être au lieu de l'élever, alors pour Dante, c'est une... il y a là une condamnation. Si on se laisse aller à aimer quelqu'un que l'on n'a pas le droit d'aimer parce que c'est son beau-frère ou parce que c'est quelqu'un qui ou parce qu'on est marié et qu'on aime une autre personne, eh bien là on se laisse aller. L'amour prend un tour, si vous voulez, strictement sexuel. Et à ce moment-là. Dans la pensée chrétienne de Dante, il y a punition obligatoire. Et c'est là qu'intervient le libre arbitre. Oui. Le libre arbitre permet de discerner ce qui est conforme à la raison et ce qui ne l'est pas. Et si on l'exerce correctement, eh bien, on va dans le droit chemin. Si on ne l'exerce pas bien, on fait dévier la route. Et à ce moment-là, on se condamne soi-même, parce que c'est une notion qui est très intéressante, très importante, et que Dante reprend toujours dans l'enfer au chant 28. Mm-hmm. Au chant 28, à la fin du chant, Dante rencontre le poète Bertrand de Borne, grand poète occitan, pour qui il a une immense admiration, et ce poète tient à sa main, dans la main, sa tête. Il a la tête coupée. Et il explique, enfin, on sait qu'il a été puni parce qu'il a dressé un fils contre son père. Il a donc commis un péché non pas d'amour illicite, mais de... Il a fait en sorte que la famille soit désunie. Et il montre donc qu'il est puni par où il a péché. Je peux vous en dire juste quelques vers. Allez-y. Il dit « J'ai fait de père et fils des ennemis. Pour avoir coupé de ces êtres l'union, je porte mon cerveau, hélas, coupé de son point de départ qui est dans ce tronc. » Et le dernier vers, c'est « Le contrapassus en moi peut s'observer. » Alors, ce dernier vers a été très diversement analysé et traduit surtout. En général, on le traduit par la loi du talion. Le contrapasso, c'est ça ? Oui, ce n'est pas la loi du talion. Ce n'est pas une donnée humaine. C'est-à-dire, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Dante, en cela, rejoint Thomas d'Aquin. Dieu n'a pas ses sentiments vils. Il n'a pas d'esprit de vengeance à l'égard des humains qui pêchent. En revanche, il leur a donné le libre arbitre pour qu'ils puissent être eux-mêmes les artisans de leur destin. Et le contrapasso, c'est un néologisme qui a été créé par Thomas d'Aquin, avec en latin, contrapassus, qui veut dire souffrir en retour, et qui indique que tout acte que l'on pose contient en soi sa conséquence. Donc ce n'est pas Dieu qui décide de punir, mais à partir du moment où on a le libre arbitre, on sait que selon ce qu'on fait, il y aura une conséquence. On est responsable. On n'assume pas. Oui, c'est ça. Voilà. On est responsable. Et donc, c'est là où peut jaillir toute forme de réflexion dite morale, parce que sans responsabilité, il n'y a plus de morale possible parmi les hommes. Voilà. Mais la question est quand même de savoir selon quelle loi ces gens que Dante rencontre en enfer ont été jugés. Est-ce la loi purement divine? Est-ce la loi divine chrétienne? Est-ce une forme de loi humaine aussi qui postule un interdit, notamment l'interdit incestueux ou l'interdit de l'adultère? Quelle est vraiment la loi qui régit les personnes qui ont été jugées en enfer? C'est un peu tout cela parce que Francesca dit à la fin de des trois vers qui définissent l'amour, Caïn attend celui qui prit nos vies. Donc elle sait, elle connaît les lois, elle sait qu'elle a péché et elle sait que celui qui a pris leur vie, c'est son mari, qui les a assassinés. Caïn, c'est un lieu de l'enfer, c'est ça ? Donc qu'il est... Pardon ? Caïn, c'est un lieu de l'enfer ? Oui. Ouais. Oui, c'est un des lieux, Caïn et Anténor, ce sont les lieux de l'enfer qui précèdent juste Lucifer. Juste, c'est dans le Cocyte. Et là sont enfermés les traîtres à la famille, à la patrie et à Dieu. Donc, Caïn, c'est un des lieux les plus terribles de l'enfer. Et Francesca sait que son mari, qui n'est peut-être pas encore mort, va y aller. Il va forcément y aller parce qu'il a assassiné ses deux parents, sa femme et son frère. Il est doublement meurtrier. D'abord, il est assassin, mais surtout, il a lui aussi porté atteinte à la loi de la famille. Alors, il y a cette loi humaine, il y a la loi morale. On ne commet pas d'adultère, hein, et il y a la loi chrétienne, surtout. Voilà. Mais dès lors que, dès lors que l'amour est jugé à l'aune des lois, il est toujours perdant. C'est quand même ça aussi l'intérêt de ce champ-là. Ce que vous dites, finalement, il faut agir en fonction de... Enfin, une action bonne, la voie droite, comme dit Dante, celle qui est conforme à la raison. Mais l'amour, par définition, échappe à la raison. C'est bien là le problème. Donc le simple fait de tomber amoureux en lui-même est toujours une manière de transgresser une loi ou de s'écarter du droit chemin. Bien sûr, bien sûr. Mais ça veut dire que l'amour est toujours condamné ? Bien, non, si c'est l'amour tel que celui qu'il éprouve pour Béatrice, ce n'est pas condamné, au contraire, c'est celui qui le conduit jusqu'à la contemplation, la béatitude. Mais vous l'avez dit vous-même, Béatrice n'existe pas, donc il faut aimer que des choses abstraites encore. C'est l'idée de... Oui. Elle n'existe pas, elle n'existe pas en tant que femme réelle, mais pour Dante, c'est ce qui permet de le sauver. C'est sa foi dans la parole poétique. C'est ce qui lui permet de faire ce voyage et de revenir de l'au-delà pour faire partager au lecteur de son époque et des peuples et des siècles futurs, son expérience. Donc c'est quelque chose qui est salvateur et qui est positif. On trouve là tout le nid de la pensée romantique des siècles plus tard, hein, l'idée que l'amour est dévastateur, qu'il est... Alors, peut-être que ce n'est pas le terme de péché qui est employé, mais en tout cas qu'il est une forme de crime qui va nuire à la personne qui le ressent, et que c'est uniquement dans et par l'écriture et la poésie qu'une forme de sauvetage va pouvoir avoir lieu. Oui, oui, oui. Alors, à l'inverse de ce qui s'est passé pour Francesca et Paolo, eux, ils n'ont pas été sauvés par la lecture, mais ce n'était pas la lecture du poème, hein, c'était la lecture des romans. C'est ça que stigmatise Dante. C'était une confusion entre la vie et la fiction, et la fiction romanesque. C'est ça qui les a perdus. Alors que la parole poétique, c'est autre chose. Ah oui, donc c'est d'avoir lu un roman qui les a perdus. C'est dur quand même. C'est le roman. C'est-à-dire qu'il faut lire, mais pas n'importe quel texte. Voilà. On va se quitter non pas avec un texte, mais avec une musique que vous aviez suggérée, Daniel Robert. Il s'agit de l'opéra de Debussy, Péléas et Mélisande. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi ? Oui, ce sont tout à fait... C'est une œuvre qui a été inspirée forcément par l'œuvre de Dante et par ce chant particulier, puisque Péléas, Mélisande et Golo, le mari de Mélisande, forment le trio tout à fait semblable à celui de Paolo, Francesca et Gianciotto. Et Golo, lui aussi, va tuer son frère, son demi-frère Péléas, qui est tombé amoureux de son épouse Mélisande, et il va provoquer aussi la mort de Mélisande. Il la blesse d'abord et elle meurt. Et il y a beaucoup de similitudes dans le cadre, la forêt, le château, tous les labyrinthes que représente le château. C'est un enfer dans lequel sont enfermés les personnages, et c'est un enfer intérieur, intime, et c'est un drame symboliste. Qui a été écrit par Maeterlinck en 1893, et puis l'opéra a été immédiatement mis en musique par Debussy. Eh bien, le voilà. Merci beaucoup, Daniel Robert, d'avoir été avec nous ce matin. Je renvoie à votre traduction de La Divine Comédie de Dante, disponible aux éditions Babel. Voici donc Debussy, Péléas et Mélisande. Il ne sait pas que nous l'avons vu. Ne bouge pas, ne tourne pas la tête, il se précipiterait. Il nous observe, il est encore immobile. Attends, attends, tout de suite, par ici. Je l'attendrai, je l'arrêterai. Attends, il a tout vu, il nous verra. En plein enfer sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver comme tous les jours Frédéric Worms pour sa chronique Le pourquoi du comment. Pourquoi doit-on concilier liberté et obligation ? La liberté et l'obligation semblent d'abord s'opposer et de fait, beaucoup de théories de l'obligation s'opposent frontalement à l'affirmation ou à la revendication de la liberté. Pour certains philosophes, nous sommes dépendants d'êtres supérieurs à nous, par exemple divins, et nous devons leur obéir. La liberté n'est pas le dernier mot de l'expérience humaine. Ou bien, il y a aussi des philosophes de la société qui pensent que l'obligation est un fait social premier et que la liberté n'en est pas du tout la condition ou l'origine. Laissons de côté pour l'instant ces doctrines de l'obligation contre